riversa tra i fiori il suo asile manto, dipinge di cielo la valle, rocce incatenate al suolo risuonano armoniche note, divergono in due vie, rampicanti chiedera tra i mattoni secolari di un monastero, vivono con occhi inquieti tra guardi incerti e le mani di Dio. Antica arena di anime mai dome, nel gioco infinito di amore e morte, incuranti della mano divina, trascinano l'ebbrezza creando fitte barriere. Tra ciò che nominano terreno e il rapido movimento del pensiero.

a poco l'alba ricoprì il corpo, votato alla giustizia divina, votato alla giustizia. Wow. Terrible. Luce

XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Chunk et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e Avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Bonsoir, chers amateurs de rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, c'était une première demi-heure musicale concoctée par Bruno Côté, qui est aussi à la mise en onde, et Marc Chaunet, donc, en votre compagnie, pour donc ces deux heures de rock progressif hebdomadaire. On avait débuté le bloc avec la Maschera di Cera, tirée de Lux Ade. C'était la pièce Enri Siglia, avec l'année 1168. Que je ne sais pas prononcer en italien. Alors, est suivi de Ego, qui est un groupe italien également, une parution de 2011, leur premier album Evoluzione delle Forme, et c'était la pièce I Misteri di Milano. Alors, pour le deuxième bloc, donc concocté par Bruno ce soir, on va y aller avec Wobbler, d'abord tiré de Rites of Dawn, la pièce In Orbit. On aura également le groupe américain District 97, tiré de leur premier album Hybrid Child, paru en 2010, qui est excellent, et la pièce The Man Who Knows Your Name. Ensuite, on aura Sky Architect, aussi donc tiré de leur premier album Excavations of the Mind, la pièce Russian Wisdom. Tout ça, ça se passe sur les ondes de CKRL, et Bruno et Marc avec vous jusqu'à minuit. Drive. Once in the dark, a hand outstretched towards a spark, grasped a form, a shape, a circle in square. Inside a sphere, around and round towards the size, flowing stream of life, the floral web by the sea.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et c'était donc Sky Architect qui avait terminé ce bloc musical. Il y avait eu également donc District 97 et Wobbler. Une émission préparée par Bruno ce soir. Le prochain bloc musical, il y aura Shadow Circus des États-Unis avec leur excellent album On a Dark and Stormy Night, la pièce Who's It, What's It and Which. Et ensuite de ça, un autre groupe américain excellent qui nous a rendu visite à la convention Terra Incognita, c'est le groupe Snow Torch. Le groupe Snow Torch qui fait le groupe Fido, donc Fido, et l'album Snow Torch, voilà, qui est paru en 2011. Ce sera la pièce Snow Torch Part 2. Alors, il y a également, je voulais vous parler de la convention Terra Incognita, oui, et des compilations Terra Incognita. Donc, la pièce qu'on fera jouer, Shadow Circus, apparaît également sur le magazine, ce qui vient avec le magazine, et donc les compilations Terra Incognita sur disque, volume 7. Il y a sur ça le Third Degree, John Galgano, Carcius, Io Hearth, Inner Odyssey, Red Sand, il y a également Eliphaz, Edo et Johannes Loulet et Shadow Circus. Alors, je vous invite à vous procurer auprès de Michel Bilodeau ces compilations, donc découverte volume 7 de Terra Incognita. On y va tout de suite avec la pièce de Shadow Circus, Who's It, What's It and Which. We'll be right back.

C'est sur la musique de Riverside, tirée de Out of Myself, la pièce The Same River, que se termine l'émission Terra Incognita en ce 31 août 2013. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au show musical ce soir, et Marc Chaunet. Restez des nôtres pour la nuit avec Vincent et Jacques pour l'autoroute qui s'en vient dans quelques minutes. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. On vous revient la semaine prochaine. Juste avant, bon, on peut parler un peu de ce qu'il y a joué. Edo, de Québec, la pièce Truite sauvage. Guy Leblanc, donc, de All the Rage, la pièce Life in the Blade. Et collage. Alors, on laisse là-dessus. Donc, c'était Bruno et Marc. On vous dit bonne soirée. À bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Voici Mike et G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mike et G, je suis présentement dans un jour complexé. J'ai plein de temps d'antenne avant. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575 poste 207. This is Steve Hackett speaking, and you're listening to CKRL in Quebec. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque. Thank you.